53. Les politiques de la rareté. Lu par Ludovic Péné. Les politiques de la rareté. En 1997, quelques plants de colza poussés au bord d'une route perdue des plaines de la Saskatchewan, la province la plus agricole du Canada, vont être à l'origine d'un procès aussi inique que retentissant. Car ces plants résistent au Roundup, comme le constate le fermier Percy Schmeiser. Il s'agit donc du colza génétiquement modifié de Monsanto, une variété à laquelle la firme a ajouté un gène capable de résister à son herbicide maison et promu comme un miracle de la technologie moderne. Mais comment ce colza OGM est-il arrivé là alors que le fermier n'en a jamais acheté? Apporté par le vent, suppose-t-il. Sans plus se préoccuper du phénomène, il ensemence à la saison prochaine ses champs comme il l'a toujours fait, à partir de graines sélectionnées de sa récolte précédente. Dans le lot, il inclut une partie du colza de Monsanto. Erreur fatale. Depuis, cet homme de 73 ans est accusé par le géant de l'agriculture transgénique d'avoir replanté sans autorisation son précieux colza OGM. En dépit des dénégations de Schmeiser, par trois fois, la justice canadienne donnera raison à la firme, arguant que ses semences sont protégées par un brevet. Pour l'agriculteur, c'est une hérésie. Personne ne devrait avoir le droit de breveter une forme humaine, animale ou végétale quand c'est dans la nature. Vous ne pouvez plus la contrôler, la nature reprend le dessus. Les semences sont un exemple très symbolique des manœuvres de guerre à l'abondance. Rien de plus prolifique qu'une graine. Nul besoin là de graveurs, de photocopieurs et autres artefacts techno. Et cette caractéristique naturelle assure aux agriculteurs leur autonomie. Mais Monsanto et ses concurrents engagés sur ce marché n'en veulent pas. Pour eux, c'est la nature qui jouerait les pirates et les agriculteurs les receleurs. Un client ne saurait reproduire lui-même ce qui lui a été vendu par le producteur. Le but des industriels semenciers est donc de séparer la production de la reproduction. Aux paysans la production, au capital le privilège de la reproduction, résume le chercheur Jean-Pierre Berland. Mais comment empêcher la multiplication naturelle des semences? Les industries engagées dans la « guerre aux vivants » disposent de deux solutions, l'une juridique, interdire leur reproduction par la loi, et l'autre technologique, fournir des graines stériles. Les brevets sur les OGM appartiennent à la première catégorie. Une fois doté de son gène couvert par un titre de propriété que la semence se reproduise ou se promène dans l'air, elle demeure propriété de l'industriel qui peut poursuivre en justice le contrevenant. Encore faut-il le repérer. Au Canada, Monsanto a déployé un dispositif impressionnant pour faire respecter ses droits. Les clients signent un TUA, comme Technology User Agreement, aux contraintes draconiennes, dont l'interdiction de réensemencer. Donc, à chaque saison, ils doivent repasser au payage. Quant aux fraudeurs, la société a chargé une agence de détectives privés, Robinson Investigations, de les repérer. Une ligne téléphonique anonyme a été ouverte pour recueillir les dénonciations. C'est ainsi que Monsanto a été averti du cas du fermier canadien Schmeiser.